Les solides arguments avec deux doigts dans la bouche. Ce que je dois, je le rends. Tu t'ennuies quand tu me touches. Je m'écarte habilement avec deux doigts qui se touchent. Ce que tu perds, je le prends. Je dois, je le rends. Tu t'ennuies quand tu...